dimanche après-midi. Avec ménage, je me mets dans la main, notre peau mène. La non rivière au bord de mer. Tu veux mes poches, me dis coquillage. Pour nous chita, gâte et belle village. La non fatigue, la lente côté bon à bébé. La non vie d'amour, qui côté bon à dégager nos pommes, va ouais. Dimanche après-midi, ma veste ménage me met dans la main, notre problème. La nourriture au bord de mer, il veut me poche, me dit coquillage. Pour nous chita, gâte et belle village. La non fatigue, la non tricoté, bon à déprimer. La non vie d'amour, tricoté, bon à dégager nous. Oui, ça qui te pirette là, mes amis. Comme il vit dans yeux, moi, mes amis. L'homme qu'on m'en a caressé. L'alvéroute, il a laissé. Moi, mais les mots réveillés, dis-moi pas. Moi, ouais, limité. Mais ma vie, moi, fin dévogué. Moi, d'un rouillon bête qui désolé. Ouais, mâché compa maman. Comment senti ou chéri? Le m'a mâché compa maman. Mais comment senti ou chéri? Le m'a mâché compa maman. Mais comment senti ou chéri? Dis-moi qui y'a un senti ou là. Dis-moi qui y'a un senti ou là. Dis-moi qui y'a un senti ou là. Dans un dit là, dans un dit là. Dis-moi qui y'a un senti ou là. Dis-moi qui y'a un senti ou là. Dis-moi qui y'a un senti ou là. Sors en dit là, sors en dit là. Le mamma chez compa maman. Mais comment sors-tu ou chéri? Le mamma chez compa maman. Mais comment sors-tu ou chéri? Le mamma chez compa maman. Mais comment sors-tu ou chéri? Dis-moi qui y'a un sorti ou là. Dis-moi qui y'a un sorti ou là. Dis-moi qui y'a un sorti ou là. Sors en dit là, sors en dit là. Dis-moi qui y'a un sorti ou là. Dim qui y'a un sorti ou là. Mais dim qui y'a un sorti ou là. Zaza di là, zaza di là. Oui, moi, je vais me chercher. Oui, moi.